بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية تمدمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره واكتفى. أما بعد، donc on a pu voir hier le duel, tamam, qui se dit en arabe Al-Muthanna. C'est quoi le Muthanna? Madalla ala Ithnain ou Ithnain, tamam. Deux du genre masculin ou féminin? Deux, tamam. Et comment se compose? Comment se forme? Il se compose avec, à la fin du mot, on ajoute du alif nun. À la fin du mot? À la fin du ism. À la fin du ism. À la fin du truc qui est duel, quoi. Ah. À la fin du mot, tu as même au singulier, tu dis le, voilà, le singulier, tu rajoutes alif ou non. Comme on a fait avec quoi? Avec le jam, salim. Tu prends sa base et tu rajoutes le alif ou non. Le alif, c'est alam al-raf, ce sera alam al-raf qui remplace la dhamma. C'est niyabatun al-tanwin. C'est le nun, مثلا, mus, limun, tu as même le tanwin dans moun, tu as même. Ce qu'on a dit tanwin, c'est quoi? C'est une haraka avec une nun sakina qui est dite à l'oral, mais pas à l'écrit. Tu vois? Qui est dit à l'oral et pas à l'écrit. Ça veut dire que là, ça faisait comme si je me disais maintenant muslimon. Tu vois, nous, on dit comme ça. Ah. Muslimon. Ça, mettez-vous devant, en face de moi. Tu vois, muslimon. C'est comme si jamais tu disais muslimon. C'est comme si tu disais muslimoun. Muslimoun. Ah, qu'elle avait écrit ça. Plutôt à l'oral. Muslimoun. Lorsque tu veux faire un duel, tu vas dire musliman. Tu rajoutes alif et nun sur le singulier. Le alif dans musliman, il va remplacer la dhamma dans muslimoun. Le alif là, c'est celui qui va remplacer quoi? Cette dhamma là. Et le nun huna avec une kasra, tam, muslimu, muslimani. C'est celui qui va remplacer quoi? La sukun. Le nun. Le nun avec une kasra. Tu dis muslimani. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Non, il n'est pas majoura. Il est maksour. Il n'est pas de. Il est comme ça. Au duel, tu rajoutes le alif et le nun avec une quoi? Une kasra. Non, ah, peut-être. C'est comme avec quoi le jam? Le jam? Al-Salim, tu rajoutes quoi? Le waw avec une nun? Avec une fatha. Quoi? Avec le jam? Muslimouna. Le pluriel. Le pluriel du jam Al-Salim. Ah, tu rajoutes le alif, plutôt le waw, avec quoi? Je ne me rappelle pas de la fatha. Le nun avec une fatha. Parce que tu ne peux pas dire muslimouni. Et ça bouge jamais. C'est comme les asma aussi. Tom? Muslimouna. Amal duel? C'est-à-dire toujours. Muslim, toujours. Toujours le duel, le jam'a de muslimoun. Jam'a. Al-Salim, ça va toujours finir avec quoi? Et nun avec une fatha. Et le duel avec nun avec une kasra. Et le rafa, c'est-à-dire que la alam qui va changer, qui va décliner le truc, c'est pas à la fin. Tamam? C'est pas le nun. Ça va sur quoi? Le waw, pour le jam'a, comme on a dit, Al-Salim, ou na'am. Et le alif, pourquoi? Pour le musanna, at-tathniya. Si jamais tu rajoutes maintenant, tu dis ra'aytu, tu veux dire t'as vu deux musulmans, deux musulmans. Tu vas dire quoi? Ra'aytu muslimayni. Muslimayni. Le alif. Nous, il reste comme il est. Parce que l'arabe, il a été fait sur quoi? Sur l'alif. Parce que c'est l'alif qui décline. Qu'il soit marfou, qu'il soit majrour. Tu remplaces le alif par nia. Et quand il est majrour? Kadalika. Et quand il est. Tu peux que trouver que ça. Madzoum, il n'y a pas. C'est dans la fière. Madzoum, c'est que les verbes. Ça change pas. En garçon, fille ou garçon, c'est an. Alif ou an. Parce que si tu fais alif. Muslimatan. Muslimatan. Pour deux femmes. Qui sont muslimas. Muslimatan. Temarbota, c'est marouf. Temarbota, il s'écrit juste à la fin. Mais si jamais il y a une chose qui va venir avant, c'est comme si jamais c'était quoi? C'était un T normal. Il revient, T normal. Et ensuite, tu rajoutes quoi? Le alif, du duel et le nun. Muslimatan. Donc c'est comme ça qu'il se compose et qu'il se forme. Donc le nun, jamais, il bouge pas. C'est pas le. Parce que normalement, les arabes, c'est marouf, il dit c'est à la fin du mot. Lakin, la halama du duel, c'est tout ça. Le alif et le nom. Le alif et le nom. Donc, muslimatan, ça va être muslimatayn. Muslimatayn. Majrour ou bien mansoub? Kadhalika. C'est-à-dire, comment tu diras dans les arabes? Al-ya. Tu vas dire le ya. Tu diras ya. Alamat al-raf ou alamat al-jar ou nasb. C'est le signe qui montre qu'il est majrour ou bien qu'il est mansoub. Niyabatan. Nasb. Al-ya, niyabatun ali, al-kesra. Ou al-fatha. Tu diras que c'est le ya qui remplace la kesra. Maintenant, là, si je te dis, liya akhawan. On va dire, on va dire, liya akhawan, j'ai deux frères. Li, khabar, ma'rouf. Akhawan, tu vas dire qu'il est quoi? C'est mubtada. Mouakhar, qui a été. Reculé. Tu vas dire, il est marfou. Il est marfou. C'est quoi qui nous prouve qu'il est marfou? Le alif. Akhawan. Le alif. Qui remplace la dhamma. Pourquoi? Parce que c'est un duel. Comment tu dis parce que c'est un duel? Lianahu? Lianahu Muthanna. Tu vois? Parce que c'est un duel. On a pu voir Kadalika? Les asma ishara pour le duel. Si jamais tu veux démontrer deux choses, la proximité, tu diras comment? Proximité, proche. Proche et masculin. Hadan. Tu diras hadan. Hadani. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadan. Deux personnes. Et pour le féminin, si jamais tu montres une chose du genre féminin, tu diras hatan. Hatan. Parce qu'on sait que le pronom démonstratif, c'est quoi? C'est le ta. Tamam? Le ta, c'est le pronom démonstratif. Comme c'est le cas. Tamam? C'est le ta. Ensuite, tu rajoutes alif ou non. Et on a dit, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que les pronoms démonstratifs, l'asma ishara, ils sont quoi? Tous mabniya. Ils bougent pas. Ha ula'i. Ils bougent pas. Ula'ika. Tu peux mettre ce que tu veux, kadalika, il bougera jamais. Tamam? Amma al-kaf, c'est kaf al-khitab. C'est pas le pronom démonstratif. Et, barakallahu fikum, kadalika, هذا il bouge pas. رأيت هذا ضربت هذا مررت بهذا هذه كذلك ça bouge pas. لكن lorsque c'est le duel il devient quoi? معرب. Il devient variable. تمام هذان si tu mets مثلا في هذين tu diras مع هذين مشيت مع هذين j'ai marché avec ces deux personnes là. Le alif il va se transformer en ya, il est variable. تمام donc tous les pronoms sont les asma ishara sont tous Mabni, il ne bouge jamais, excepté quoi? Les pronoms qui sont utilisés pour quoi? Le duel. Les pronoms démonstratifs qui sont utilisés pour le duel, ils sont déclinables, ils sont variables plutôt. Il veut quoi encore? Et comme on a dit, il y a la règle qui est utilisée dans le Mubtada wal Khabar, elle s'utilise kadalika avec le duel. Si le Mubtada est duel, le Khabar sera kadalika duel, comme on a pu le voir en genre en nombre. Il a dit liman hatan al mistaratan. À qui appartient ces deux règles? Mistaratan. Là, Mistaratan, là, c'est le Badal. Les Manhattan, tu peux dire les Manhattan. À qui appartient ces deux choses? Lakin, مثلا, tu vas dire, si je te parlais sur deux musulmans, vas-tu dire, At-Taliban Tu veux dire qu'ils sont sérieux. Tu diras quoi? Mujtahidan. Tu dois l'accorder. Khabar, il doit s'accorder avec quoi? Le mutada. Tu vas dire, ces deux étudiantes, elles sont sérieuses. Tu diras comment? Hatan. At-talibatan. Mujtahidatan. Ces deux, il y a les élèves, en parlant des femmes, sont sérieuses. On a vu qu'à dans les cas, il y a Kam. Ça, on n'avait pas vu. Kam. On n'avait pas expliqué Kam. Non, on va expliquer. Donc Kam, Kazaka, ça fait partie d'Asma. Elle est stifamia. En fait, il a plusieurs sens. Laquelle le sens qui est voulu ici, c'est quoi? Elle est stifamia. Il y a une particularité en pas tout le temps. Donc Kam, tu dis, Lahu. Donc il a plusieurs sens. Waminha, et parmi ces sens-là, annahu smustifham yustafhamu bihi anil kaymiya. Tu vois? Donc écrivez ça. Donc, Kam, lahu ma'ani, donc il a plusieurs sens. Wa minha, et parmi ces sens-là, annahu, et c'est celui qui est voulu dans le sens, annahu smustifham, c'est un pronom, ou c'est un pronom interrogatif. Yustafhamu biha, tu utilises pourquoi? T'interroger sur la quantité d'une chose. Tamam? Al-kaymiya. Al-kaymiya, c'est quoi? La quantité. Al-kayfiya, c'est la manière. Tamam? Donc le mot qui va suivre, donc kam, maintenant comme il a dit, kam akhan, la kaya Muhammad. Combien as-tu de frères? Regardez, observez bien, comme le mot il vient après, il est quoi? Il est mansoub. Il est mansoub, ils disent quoi? Al-tamyiz. Parce qu'il est utilisé pour pouvoir faire, ou plutôt yani pour demander, il est en train de demander, yani l'explication d'une chose qui est quoi? Qui était inconnue. Lorsque tu utilises kam, tu vas utiliser yani pour une chose qui est inconnue, parce que tu demandes une quantité. Donc là, tu es en train de t'interroger sur la quantité d'une chose qui était inconnue. Il y en a combien t'as de frères? Ça, ils appellent quoi? La chose à laquelle que tu vas répondre, ils appellent ça tamyiz. Et c'est pour ça que ce qui suit est le tamyiz dans la grammaire, dans le nahou, il est toujours quoi, mansoub? Lorsque tu vas faire les arabes, tu vas dire il est mansoub à la tamyiz. C'est quoi le tamyiz? C'est la chose, il y en a qui est utilisée pour savoir la quantité sur laquelle tu t'es posé la question. Kam akhan lak. Parce que lorsque tu vas répondre, tu vas dire, Indi khamsa. Tam, Indi khamsa ikhwan. Indi ikhwan. Indi khamsati. Khamsatu ikhwan. Indi khamsatu ikhwan. Ikhwan ou ikhwa? Parce que akh, il a deux, jama. Ikhwa ou ikhwan. Innama al-mu'minuna ikhwa. Bain akhawaykum. Bain akhawaykum. Jama avec akhawan. C'est-à-dire, dès que si jamais tu veux demander, t'interroger sur une quantité, ce qui va suivre après sera mansoub à la tamyiz. Même dans la réponse? Même dans la réponse. Mathalan? C'est ce que tu m'as dit, comment on reconnaît si jamais c'est quoi? Utilisé pour l'interrogation ou pas? Si jamais ce qui vient, parce que justement c'est pas interrogatif là. Si jamais c'est une question interrogative, ça aurait été quoi? Fi aten. Ah, donc c'est dans l'interrogation exclusivement qu'il est mansoub. Quel mansoub? Et si jamais... Donc dans la réponse, c'est dans mansoub. Et voilà. Et si jamais il sera... Yanni, tu diras etamiz. Etamiz, on va le voir. Yanni, il peut être mansoub comme il peut être kazalika, parce que c'est l'adat. Parce qu'il y a etamiz, t'as etamiz l'adat, t'as etamiz au niveau du nombre, t'as etamiz au niveau du genre, tout ça, tu vois. Kathiran et l'akhiri. On va le voir, inshallah. Ce qui vient après le kam, il est mansoub à la tamyiz. T'as donc j'ai écrit kam ou pas? Donc écrivez, on l'écrit là. Walladhi ba'da kam al-khabariya ismuha. T'as vu? Jumelé? Ou bien je m'estifamia? Afin que vous. Parce que j'ai m'estifam au début. Kam al-khabariya estifamia. Qala walladhi ba'da kam. الخبرية الاستفهامي الاستفهام Miya Mansoubun Ala At-Tamiz. On va expliquer pourquoi. Marqué Tamiz. Tamam. والذي بعد كم الاستفهام الخبر الاستفهامية c'est-à-dire la بعد cette كم là qu'on veut là pour l'interrogation il va être quoi تمييز تمام تمييز تمييز c'est une quantité فمن يعمل مثقال ذرة إذا تمييز خيرا يعني دو كوا دو خير دو شر دو كذا دو سيسي يعني يميز بين هذا مثقال ذرة دو كوا من إيش كذا كذا كم مثلا تجي عندي مثلا وجي 20 كتابا سي كوم سي تو ديزي اشتريت 20 من كتاب deux kitabs, deux kaza. Genre, ça aurait pu être de quoi Kalem. Ça peut être coussin, ça peut être lit, ça peut être kaza kaza. Le fait que tu ramènes après la hadith, cette chose-là, c'est en gros, tu es venu pour maïez. La chose que tu as, la quantité de choses que tu as. C'est comme ça, les mansoub. Mais pas mansoub là. Si. Khayar. Khayaraï, parce qu'il y a une tajwid, une règle de tajwid. Sinon, c'est. Si tu n'es pas le tajwid. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيَّرًا يَرَى خَيَّرًا يَرَى pour ça qu'ils ont fait خَيَّرًا يَرَى c'est wajib le tajwid ah. مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ qui embellit sa voix qui n'embellit pas sa voix qui n'embellit pas sa voix celui qui n'embellit pas sa voix je peux embellir ma voix sans faire tajwid. Faman ya'mal mithqala dhar. Je peux embellir sans faire tajwid. J'ai pas dit faman. Il dit Charles Al-Asaymin. C'est pas wajib. Abedan. Ce qui est wajib, c'est que tu donnes à chaque harf son droit. Maintenant, quand tu le nourris. Si tu manges, tu manges ton vin. Tu vois, comme certains disent un peu vite. Là, c'est. T'es asim. Parce que tu n'as pas donné à chaque lettre son droit. Tu vois, khalas ? Donc maintenant, lorsque je te dis Kam akhan lak. Kam ? Kam akhan laka. Akhan lak. Kam c'est quoi ? C'est Kam de question. Ah. Kam question. Ibn Kam. Ism istifham. Alladhi ba'dahu mansub. Raf'ihi. La qui je veux savoir, c'est quoi Mubtada, Khabar ah, ouais. Je peux répondre Tordan. Kam, Khan, Lak. Je crois qu'il va se tromper. Kam, moi je dis que c'est un Khabar. Un Khabar. Khabar. Il va se Khabar. Ah, c'est ça. Khabar Muqaddam. D'accord. Khabarun Muqaddam. Khabarun Muqaddam. Et après أخن لك أخن لك أخن إيش هذا أخن كم سال خبر إلو منتدى أخن أخن استغفر الله إذا سمعت شيئاً كم أخن لك juste il veut tester ton yakin c'est tout أخن c'est منتدى منتدى منصوب j'ai jamais vu ça. Non, parce que le Mubtada, il est... Après le Mubtada, il est... C'est vrai, ça, c'était pas. Abadan. Un Mubtada, marfou. Non, on parle, si c'est marfou, mansoub, majrour, ça, c'était pas. Un Mubtada, qui est mansoub, jamais vu ça. Ça, je peux pas le deviner, si tu m'as pas expliqué dans les leçons. On l'a déjà dit. On l'a dit dans les leçons précédentes que le Mubtada, il est toujours marfou. Il est marfou. Parce que... Ouais. Laquelle, avec toi, combien il y a du Ranbel? Non, on l'a dit, il est marfou. Cherche pas. مبتدا مرفوع دائما اذا كم اخن لك اه ouais c'est lek si quand tu réponds c'est lia ta ta ta ta ta ta et qu'est-ce qu'on avait dit avec lia lia on a dit c'était un half ah non lia c'est pas comme mubtada c'est l'intérêt c'est half Le khabar, le mubtada, c'est quoi? C'est kam. Akhan tamiz laka khabar. Réponds à la question. Li, on va dire, li akhawan. Li, comme il a dit. Li akhun wahadun. Réponds à la question. Li akhun wahadun. J'ai un frère. Donc le kam ici, c'est quoi? Le akh. Si je te redis, li. Présent physiquement, absent mentalement, il est li ishuruna. Maintenant, tu as dit, akhan. J'ai 20 frères. Li, c'est quoi? Khabar, muqaddam. Ishurun, c'est quoi? Mubtada. Ou al-akhan, tamiz. Si je te dis, la phrase la kam ajalatan li darrajati ya hamid. Kam? Allah yahdik. La quatrième du dars. C'est quoi les arabes? Kam mubtada. Ya? Ajalatan. C'est où ça? Khabar. Tamil. C'est simple. Kam, c'est celui-là qui va peut-être porter un peu difficulté. Le khabar, le mubtada. Là, ce qui vient après, tamiz. Tu ne prends pas la tête. Là, c'est le mabni. Kam. Kam, c'est mabni. Tu dis fi mahal raf, mubtada. Mabni fi mahal raf. Ajalatan, donc c'est tamiz. Et tamiz, il est comment? Mansoub. Mansoub. Daïman. Alamat nasb al-fatha al-dahiba al-dahiba al-dahiba al-dahiba al-dahiba al-dahiba al-dahiba. للدراجة للدراجة للدراجة لي حفظة الدراجة اسم مجرور بمجرور بالجر وهو وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره ويا حميد يا دوك سي حرف نداء Et le khabar, tu ne peux pas dire le khabar. Le khabar, c'est le darajat. Les darajat, tamam. Parce que quand tu réponds, tu vas dire les darajati, tamam. Mon vélo, maintenant, ou bien les darajatika, ou l'akhiri, les darajati, maintenant, tu vas dire, bah, adjalatan, de toute façon, tu peux retrouver plus. Vous avez compris un peu l'histoire de tamiz, on va faire un peu d'exercice pour voir si vous avez compris. Vous voyez pas comment tamiz? C'est celui qui va apporter une information sur la quantité. De ce que toi, lorsque tu demandes, c'est quoi l'information là? Quand tu dis kam akhan lak, c'est combien t'as de frères? C'est une chose qui est ignorée auprès de toi. Tu veux connaître la quantité de, comment on s'appelle, de ses frères. Tu vas utiliser kam, parce que c'est kam, c'est pour le kaimia, combien. Ensuite, la chose sur laquelle tu vas te poser la question, dans la phrase interrogative, ça va être quoi? Le tamiz. Lorsque tu vas répondre, tu vas voir, tu vas le ramener par un chiffre ou par un. Et le khabar, c'est quoi? Alors, du coup, c'est lak. Ouais. Kam akhan lak ya Muhammad, maintenant, li akhun wahidun. La chose à laquelle tu as répondu, c'est une forme de tamiz. Parce que tu viens apporter, comment ça s'appelle, une distinction sur la chose qui était bien inconnue. Ça peut être des chiffres. Ça peut être. La chose sur laquelle le chiffre est porté. D'autres choses. T'as maintenant, je te dis, j'ai 20 livres. Indi, ishuruna, kitaban. Kitaban aussi, c'est quoi? Le tamiz. C'est la chose sur laquelle tu t'es interrogé, et t'as apporté la quantité. T'as apporté la quantité. Ce que tu peux dire, barakallahu min kitabin. Il vient et t'apporte l'information sur la chose. Tu peux dire, matalan, indi ishuruna. Si tu dis, indi ishuruna, la personne va te dire quoi? Min esh. Si tu veux, tu veux un peu le savoir où il est dans la question, tu vois, ou plutôt dans la phrase. Réponds pas. Min, ash. Tu vois. Indi, ishuruna, kitaban. Onef, kitaban. Ishurun. Pourquoi il a plus été mis? Parce que ça maïeze le nombre. J'ai 20. T'as 20 quoi? 20 livres, 20 frères, 20 stylos. C'est-à-dire la chose que tu viens apporter après, ça vient différencier. Il maïeze. Pour ça, il est un peu comme ça. Maïeze. C'est justement tamise. Parce qu'il vient apporter une information, il maïeze. Entre la chose que tu as, le nombre, la quantité de ce que tu as, d'une chose que tu as. J'ai 20, j'ai 30, j'ai 50, j'ai 60, t'as quoi? 60 ans, 50 frères, tu vois? Ça serait sera plus voilà, je comprends. Je comprends. مثلاً lorsqu'il dit كم أخن لك, il sait pas, il demande. Ce qui vient après, تمييز. Lorsque tu vas répondre, لي أخن واحدون. Parce que là c'est une sifa, la sifa vient après. مثلاً si j'aurais voulu dire, j'en ai 20. لي عشرون. Parce que là on sait que je peux m'arrêter sur ça. Pourquoi? Parce qu'on sait. La phrase avant, elle t'indique que t'es en train de parler des frères. Mais si je viens directement sans avoir posé la question, je dis لي أخن لي عشرون. Il va dire quoi? Frère, sœur, cousin, cousine. T'as même? Donc ça, ça vient apporter la différence. T'as même tom? On va faire des exercices, on va voir si vous avez compris. 100, 101. Ah, maintenant, Inch'Allah, le tathnia, Muthanna, c'est compris. Comment ça se forme? C'est compris, Muthanna, le duel. Parce qu'il y a des exercices dans le duel, là. Est-ce qu'on est obligé de les faire à l'oral, ou bien on les laisse à l'écrit? On va commencer par Temiz Awalan, parce que je pense que c'est saisi. Quoi, par toi? À l'oral, on va faire le Temiz Awalan. Non, mais parce que je voulais écrire, c'est quoi qu'il y a à faire? Attends, l'exercice numéro 3, déjà, pour commencer. Non, tout de suite, là. Il dit, يقرأ الأمثلة الآتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم وضغط آخر. إيش؟ وضغط آخر. وضغط, qu'est-ce qu'il raconte? Wadbut akhirah. Il nous dit, lis les exemples suivants. Ensuite, place dans les espaces suivants un tamyiz, tamam, qui est opportun à kam. Et il dit, wadbut akhirah. C'est-à-dire, mets bien, ajuste sa fin. C'est-à-dire, mets les voyelles qu'il faut. Il dit, kam akhan laka. Non, kam urtan laka. Combien tu te sers? C'est les exemples, ouais. Urtan laka. Chauffe, kam. Urtan. Pourquoi urtan tamyiz? Ce qui vient après kam tamyiz, lorsque c'est dans une phrase interrogative. Kam qalaman indak, combien tu de stylo? Kam sayyaratan fi al-jami'a. Donc là vas-y, kam indak. Kam, c'est le premier. Qu'est-ce que tu veux? Attends, sauf il y a pas en enlevant ourt qalam wa sayyara. كم دفترا عندك؟ pourquoi t'as dit دفترا؟ hein؟ pourquoi j'ai dit دفترا؟ parce que كم ça veut forcément qu'il est naqué. Ce qui vient après, c'est quoi؟ تمييز. Ce qui vient après, il est تمييز. Donc منصوب. تمييز est منصوب. قاعدة. Oh, bouge. Non, réponds à la question. Non, tu peux pas encore répondre. Si tu peux répondre, Inch'Allah. Laquelle? Ah, ça va venir après, ça. Et c'est après la réponse. Le 219. Les chiffres. À toi, Farid. À toi, Farid. Donc voilà, là, vous savez comment on pose une question, on va dire. La réponse, ça va venir dans le 219. Vas-y. Kam. Kam riyalatan laka. Là. C'est quoi le singulier de... Pour dire des riyal. C'est quoi le singulier? Je l'ai dit. Riyal. Donc tu me demandes ça, tu fais Ria. Rialun, ça? Rialin, donc? Rialen. Rialen. Il n'y a pas de rialaten. C'est pas féminin, c'est pas possible. Kam rialen? Kam rialen? Kam rialen, d'accord. Vas-y. Kam shakhsan fi hada sharia. Fi hada shari. Kam funduqan. Combien de personnes dans cette rue? Ouais. Personne. Là, bas. Kam shuyukhan fi qaryatika. C'est quoi ça, qaryatika? C'est le village, qarya. Qarya. Kam shuyukhan fi qaryatika. Kam ikhwatan. Non. C'est quoi ça, c'est là, bas. Ouais. Mais dans la classe, c'est quoi qu'il y a, généralement? Des élèves. Des élèves ou bien des profs. Tam. Fi. Kam taliban. Kam taliban. Ou tullaban. Ou tullaban. Fi fasakna kum. Allah yaslahak. Vas-y. Oui. Kam aidan fi sana. Kam aidan fi as-sana. Ou kam. Tu diras des mois, comment on dira? Shahran. Kam shahran fi as-sana. Et combien de mois dans l'année? Dans l'année? Mais quand c'est une question. Oh, il y a 12, quoi de David? Il y a 12. Il y a 12. Il y a 12. Il y a 12. Il y a 12. Il y a 12. Il y a 12 mois. Kam, vas-y. Kam ajalatan lidarrajat. Lidarrajat. Vas-y. Faut ramener un truc qui est monassible. Hein? Faut ramener un truc qui est monassible. Là, ça porte de Rochefort. Donc. On ne parle pas de. Attends, laissez-moi réfléchir. Kam maktaban fi Rochefatek. Fi? Rochefatek. Rolfatek, non? Yes. Rolfatek. Non, elle l'a fait là. Elle a aimé. Rolfatika. Tu es bêtaque. Tu es back. Ah, c'est raté là, ça. Ouais. Vas-y, c'est ça. Kam, nafidatan, مثلا. Kam, baban. Kam. Maktab. Kam, maktaban, fi rolfatek. On le met au singulier, nafida. Nafida. Tu peux mettre au pluriel. Parce que tu sais qu'il y en a plusieurs. Tu sais qu'il y en a plusieurs. La quine combien, tu sais pas? 30, 50? Tu sais qu'il y en a plusieurs. Kam nafidatin. On va voir pourquoi. Ça va? How will? Ah, ça c'est 100. Tous les autres exercices, vous les ferez chez vous. Ils sont simples. Donc le premier dit, Adib, Yatil Atiya, Musta'minan, Lil Musta'min. Réponds aux questions suivantes en utilisant le duel. Tu réponds au duel. Iqra waktub. Celui-là, on va le lire tout de suite, vas-y. Iqra waktub. Khalidun lahu bana ibnan. Lahu ibnan. Lahu ibnan. Lahu ibnan. Ni nu nan. Ah, afwan. C'est moi quand je suis mal à l'ordre, il y a des secondes partout, tu vois. Lahu. Khalidun. Lahu ibnan. Hein? Hein? Khalid. Mais le harf jar, il est en fihada. Un harf jar, il ne peut pas faire, il ne peut pas. Il y a un malfi, il y a un malin. Le mashkoul, là, il celui qui est occupé, il ne peut pas être occupé par un deuxième. Moudraf, Moudraf, il est là. Jamais de la vie. Là, attends, il est meubli. Oui, il peut être meubli, mais il peut pas. Il n'est pas. Fi, il est sur ce qu'il a dit. Il est sur hada. Il est en train de s'occuper de hada. Pourquoi Beiti, il est. Ah, je vous le réponds. Perdu là-bas, j'attends. Vous dites quoi en fait? Pourquoi Beiti mais Nakira? Non. C'est quoi la phrase? Pourquoi Beiti? Il est majorant. C'est pas Nakira. Il est majorant, pardon. Fi hadha al Beiti. Vas-y, il est la phrase. Tu peux l'enlever, hadha. Et voilà. Donc. Fi Beiti. Non, non, donc ça veut dire que c'est un? Hein? C'est un? Ismu al majorant. Lakin, c'est un? Non, il est. Bedel. Ah. Bedel. C'est un Bedel. Ah, et le Bedel, il suit. Je croyais que tu parlais de Beiti. Le bedel, ouais, c'est un bedel. Et le bedel, il suit le mot bedel omin, c'est qui a, le mot bedel, celui qui a été remplacé. Il le suit dans tous ses états. S'il est défini, il est défini. S'il est puré, il est puré. S'il est. Non, pas dans tous ses états. La kulahal, je veux dire, dans le jar wa majrur. Jar wa majrur wa raf. Dans la déclinaison, si on peut dire ça comme ça. Il le suit dans la déclinaison. S'il est majrur, sera majrur. Est-ce que tu peux l'enlever, tu diras quoi? Fil beiti. Hein? Continue la phrase. Rolfatani kabiratan. Les satan. Kabiratan. Ni. Hein? Rolfatan kabiratani. Na, nu, nun, nin. Nu, nu. Ni. Pourquoi? Parce que. Là, c'est une réponse, tu peux, c'est vite fait. Hein? Parce que c'est comme ça. Hein? Le duel, il est comme ça. Il est quelle arme? 11h20. Vas-y, dernière. Fatima. Fatima tu laha taflani tiflani sawirani. Donc faites l'exercice numéro 6. Vous faites le 1 dans le 2, c'est bon.